Le rêveur éveillé. La grille métallique s'abattit en premier sur la table du break room, broyant les sandwichs et faisant éclater des tasses de café. Un sac à dos suivit, sorti de nulle part, puis Hans s'écrasa sur la table comme un boulet, paletot déchiré, visage éraflé et boursouflé de fatigue. Pendant un moment, il gît complètement inerte. Foudroyé par la panique, les quatre Comtech attablés crièrent la bouche pleine. Un d'eux bascula en bas de sa chaise, un autre s'en alla buter contre l'évier, horrifié. Le vacarme avait rompu le sortilège du break room. Une plage tropicale cernait la pièce mur à mur, léchée par les vagues d'une mer azur. Les feuilles allongées d'un palmier solitaire ondulaient dans la brise. Une huile de coco parfumait l'air discrètement, ajoutant au réalisme de l'holoprojection. Hans se releva péniblement, scrutant les alentours, ses mains tremblant sous l'effort. L'irréalité ne réussit à le distraire qu'une seconde. Grognant de ses lèvres craquelées, il tâtonna à l'aveuglette, saisit son haka et se rua en bas de la table, ses bottes atterrissant dans une flaque de café. Les Comtech s'échangèrent des regards nerveux. Puis, ceux-ci se dirigèrent vers la console de sécurité, la porte. « Non !» s'écria Hans en tirant une fois dans le plafond. Sur la plage synthétique, la déflagration eut l'effet d'un claquement de fouet. « Vos cartes !» ordonna-t-il. « Maintenant !» Un à un, les Comtech désagrafèrent les cartes de sécurité, pendant à leur poche de chemise, et les tendirent, mains tremblantes, à Hans. « Toi !» dit Hans à un des hommes. « McGuinness, c'est ça ? Chef de division, félicitations. Viens donc, on va faire un petit tour. Quoi ? » bredouilla ce dernier. « Moi ?» Portrait type du cadre corporatif. McGuinness portait des lunettes de designer, une chemise verte rentrée proprement dans ses pantalons. Ses initiales étaient brodées sur l'encolure. Son visage finement rasé commençait à se couvrir de sueur, mêlant une odeur humaine à son parfum d'après-rasage. « Allez !» insista Hans. « Ou je t'éclate la cervelle ici, devant tous tes loyaux employés. » « T'en fais pas. J'en ai pas après vous. Tu comprends ?» McGuinness déglutit péniblement, leva les mains et pressa le pas vers la porte. Les trois autres Comtech regardèrent la scène, impuissants. Une fois passé le seuil du break room, la réalité se transforma radicalement. La plage ne menait pas à une hutte en paille, mais bien à un grand entrepôt, aux planchers de béton et aux subdivisions aux murs transparents. Derrière, une multitude d'ailes se détachait où, rangée après rangée, des colonnes noires étaient alignées, des serveurs. « Où est-ce qu'on s'en va ?» demanda McGuinness, tremblotant. Son haleine fumait, l'air était de plus en plus froid. Hans avait peine à réaliser où il était. Les plans qu'il avait mémorisés s'embrouillaient dans sa tête. 30 mètres sous terre, le système de ventilation, les quartiers du personnel, les salles de serveurs et les réacteurs souterrains. « Au terminal ?» répondit-il enfin. « Bien sûr. »« Tu... » bégaya le Comtech. « Tu veux pas aller là. »« Vraiment ?» lança Hans. Avance! Il coinça le museau du haka dans les côtes de McGuinness. Le chef de division activa les contrôles d'une porte renfoncée. Lorsqu'elle s'ouvrit, les deux hommes s'engagèrent dans un corridor étroit. Une voie de service éclairée par la lumière anémique des tubes fluorescents. T'es du M9A? S'enquit McGuinness. « C'est ça, hein? Ça se voit, je sais. Oh, shit, shit. » Mais Hans ne l'écoutait pas. À chacun de ses pas, ses bottes résonnaient, l'approchant plus près du précipice. Le vertige poindrait bientôt à une vitesse fulgurante, une tension insoutenable. Les données s'imbriquant les unes dans les autres, le plan à l'intérieur du plan, éclosant comme une fleur empoisonnée, menaçant d'imploser, emportant tout. Le rire de X, la force de Nilsson, le courage de Svet. Svet. En proie au choc nerveux, McGuinness se courba subitement contre le mur, vomit gerbe après gerbe sur ses souliers vernis, râlant entre les salves. Hans reprit ses sens, reconnut les signes familiers d'une attaque de panique. « Hé !» fit-il plus doucement. « Relax, McGuinness. T'as rien à craindre de moi. Tant que tu m'amènes où je veux aller, OK? Inspire. Expire. Comme ça. Tout va bien aller. » C'est alors que les lumières s'éteignirent d'un seul coup pour être remplacées par des gyrophares rouges fixés au plafond. Simultanément, une complainte de sirène d'alarme mugit au loin, quelque part dans le centre de données. Loin d'être surpris, Hans se pressa à McGuinness. « T'inquiète, » dit-il. « On avance. » Le Comtech hocha la tête et reprit la voix en traînant la patte. « Tu sais, » tenta-t-il en se ressaisissant. « Le pire, c'est que je suis d'accord quelque part. Ça marche pas, toute l'affaire. Le réchauffement climatique, les inégalités. C'est vrai. » Une autre porte de service déverrouillée déboucha sur un dédale de corridors anonymes. Hans revoyait la carte dans sa tête. « Mais t'es pas obligé de faire ça, » argumenta McGuinness. « Votre mouvement, il y a du bon. Pendant la famine de 47, c'est les anarchistes qui distribuaient de la nourriture aux pauvres, hein? Je me souviens. Mais tu penses pas que vous auriez plus de chance en restant pacifique? Je veux dire, c'est pas rien, l'opinion publique. » Hans reconnaissait la litanie des vieux arguments. Il ne voulait pas s'engager dans la discussion, mais McGuinness osa poursuivre son plaidoyer avec une ligne de trop. « Pense-y, » tenta-t-il. « Vous pourriez changer le système de l'intérieur. » Plongés dans une lumière sanglante, les deux approchaient de la toute dernière porte. Au-delà, l'antichambre du terminal central, le cœur du centre de données, la fin de la longue route. « McGuinness !» lança Hans, provoqué. Les seules personnes qui croient en ce genre de conneries sont celles qui ont jamais essayé. Parce que c'est pas long avant que tu réalises que la poignée de psychos au top sont pas rationnelles. Impossible de les émouvoir, encore moins de les convaincre avec des arguments logiques. Ils ont carrément pas d'empathie. Alors combien d'options ça nous laisse, hein? En plus, c'est des machines que je m'en vais bousiller, pas des personnes. Les gens comme toi, le public, ça fait longtemps qu'ils sont plus capables de distinguer ce qui est violent de ce qui ne l'est pas. Mais t'en fais pas, c'est justement pour ça qu'on tire la plug. » McGuinness atteignit la porte de sûreté, ses doigts tremblant sur le clavier de sécurité, le scanner biométrique. Il pointait chiffre après chiffre en parlant. « Mais ce que vous avez fait à l'arcologie, » insista McGuinness. « T'appelles ça comment, d'abord? J'ai vu l'explosion sur le fil médiatique. » Hans mâcha les mots, incrédule. Le coup de l'arcologie ne prévoyait aucune explosion. Tandis que la porte s'ouvrait, McGuinness poursuivit. « Juste avant que tout s'éteigne. Shit, 5 millions de personnes abandonnées comme ça dans le noir. » « Et qu'est-ce qui va leur arriver à elle, hein? » C'est à ce moment que Hans reconnut le son des rotateurs. Trop tard. Tout était comme dans les schémas. Le grand pan de métal blindé s'était retiré pour donner sur une grande pièce vide, baignée de gyrophares écarlates. Au-delà, les murs glacés du terminal, son panneau de commande, le dernier objectif. Mais là, l'imprévu. Deux tourelles automatisées, leurs canons rotatifs s'activant à l'instant même où McGuinness les aperçut. Une seconde suffit pour que leurs canons se mettent à cracher en direction de l'entrée. Hans plongea vers l'arrière instinctivement, tentant de se mettre hors de portée des tirs. Dans l'instant, il vit McGuinness broyé par les balles, déchiqueté dans une nuée de plomb de haut calibre. Avant de toucher le sol, Hans fut lui-même happé par des projectiles émergeant à travers la carcasse, à peine dévié par les os et la chair. Suivirent les giclées de sang et la loque éclatée de McGuinness lui tombant dessus comme une poupée disloquée. Hans sentit le monde chavirer sous l'implacable froideur du plancher, rapidement remplacé par une brûlure. Il se traîna, derrière, toujours derrière, pour fuir les machines, la douleur léchant ses membres comme des flammes. La porte de sûreté se refermant finalement, mettant fin au torrent d'acier. Hans hurla, repoussa le cadavre de McGuinness, roula sur lui-même dans la panique et réussit à se hisser pour s'asseoir dos contre le mur. Frénétiquement, il balaya le sang de ses yeux, se tâta le cou, les bras, la poitrine. Sa veste pare-balles avait arrêté quelques balles, mais la douleur était écœurante. Il se demandait s'il n'avait pas des côtes fêlées lorsqu'il vit le sang répandu sur le béton. Son sang. Là, sa cuisse, le pantalon troué, le flot bourgogne, presque noir, et une souffrance telle un brasier consumant tout sur son passage. « Ah !» maugréa-t-il, serrant les mâchoires. Avec des gestes saccadés, il réussit à retirer sa ceinture, à l'enrouler autour de sa cuisse et à l'attirer. Un autre cri s'échappa de ses lèvres craquelées. Pendant un instant, il se demanda si l'artère avait été touchée et combien de secondes il lui restait à vivre. En rafale, le désespoir l'envahit. Ses tourelles impassibles, là-bas. Après tous ses calculs, ses machinations, 10 ans de complot pour en finir là. Une nouveauté. Le système qui s'était adapté trop rapidement, trop efficacement, pour qu'il puisse le détruire. Et maintenant, une fin stupide et brutale, tant de sacrifices pour mourir seul au bout de son sang, dans un corridor gris et froid. Tout ça pour ça. Hans referma ses paupières enflées. L'envie de pleurer le gagna. « Hey !» dit une voix synthétique extrêmement modulée. Secouée, Anne s'ouvrit difficilement les yeux, cherchant son haka de ses mains tremblantes. S'il devait s'en aller, il s'en irait en se battant. Mais le visage embrouillé d'X luisait là, projeté à 2 doigts devant lui. Il avait ses longs cheveux noirs d'antan, des lunettes fumées, le teint blême, un sourire sarcastique. « Surprise ! Ha ha !» Aussitôt, les sirènes et les gyrophares s'éteignirent pour revenir à la normale, l'alerte ayant été annulée, comme par magie. Hans grinça des dents avant de réussir à formuler une phrase intelligible. « X !» commença-t-il. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais seulement saboter le réacteur de l'arcologie, faire division. » « Changement de plan !» proclama X en grimaçant. « On a été repérés à mi-chemin. Ça te surprend? Mais quelle pétarade! Et ce feu d'artifice! Et puis... Bam! 100 kilomètres de tech grillés dans 1 microseconde. La civilisation qui fait une crise cardiaque. Et la nuit! Hans, on a ramené la nuit! Kaboum! Il y a des étoiles maintenant. C'est tellement beau. Tu devrais voir. » Et Hans secouait la tête, incapable de comprendre, subjugué. Ce n'était pas la destruction de l'arcologie, de ses habitants. Ils méritaient tout ça et pire, ou la grande noirceur. Qu'importe comment X et Ruby avaient réussi ça, c'était la réalisation, la finalité implacable. « Mais comment vous avez fait ?» demanda Hans. « Pour vous en sortir ?» Le rire tordu d'X résonna dans le couloir ensanglanté. Et Hans comprit, horrifié, que personne n'avait survécu. « Je t'avais bien dit, » ricana X, « que c'était un plan de merde. »